si on se croise sur ça tire à vue. Après y'a les statistiques. T'es admis au CHU, dans un état critique, c'est pas de l'abus. Dans l'ongle, n'en se feras-tu. Si son chevaux me reverras-tu. Le passé te rattrape, les petits ont grandi, ils te mettent la matraque. Pyromane opérateur, un mètre payé tout droit. Moteur dopé à mort, des AK, de la Zumba. Cagoulé sur les négatifs, du fric et des sédatifs. Amoureux du fer et du feu, j'ai tout mon temps pour le bif. Hey. Gros bénéfice, tu le prends pour des jeunes hommes. Capuché dans la caisse, rentre dans mon 7-up. 4 roues motrices, 80 dans l'enveloppe. Aluminium, aluminium. Gros bénéfice, tu le prends pour des jeunes hommes. Capuché dans la caisse, rentre dans mon 7-up. 4 roues motrices, 80 dans l'enveloppe. Aluminium, aluminium. 38 sur l'oversize, 38 sur la North Face. Je vais t'enculer, les vrais savent. Si tu pars avec des prothèses, c'est qu'à moi mes bandits dans la caisse. Coco, je suis venu pour ma pièce. Mon cœur n'est pas blanc, tant que mes yeux parlent. Comme si je venais reprendre la part des apaises. Ow. T'as un larfeuille accroché au pif, c'est sûr que t'as croisé nos chemins. J'ajuste et je fais des motifs, 30 coups je peux tirer au pif. Mets mon nom en haut de l'affiche, petit enculé, j'ai plus 20 piges. Pince dans ma rue, abaisse la vitre, voir si tu prends pas ta gifle. Hey. Gros bénéfice, tu le prends pour des jeunes hommes. Capuché dans la caisse, rentre dans mon 7-up. 4 roues motrices, 80 dans l'enveloppe. Aluminium, aluminium. Gros bénéfice, tu le prends pour des jeunes hommes. Capuché dans la caisse, rentre dans mon 7-up. 4 roues motrices, 80 dans l'enveloppe. Aluminium, aluminium.